Maxime, nous entendons des paroles là. On nous fait un petit effort pour nous capables d'appliquer. Jean bon Dieu dit là, l'est vraiment pas servir. Vous supposez gagner humilité face frère, acteur, qui n'a même groupe avec, qui n'a même l'église avec, qui n'a même groupement avec. Les nous entendons des saldi. Dans Matthieu 15, verset 16 à 20, il dit tout bagay qui entrait dans la bouche du monde, ça passait dans le ventre. Après ça, il sortit de yo. Mais bagay qui sortit dans la bouche du monde, c'est dans le cœur qu'il sortit. Il dit c'est tout bagay ça yo qui met en condition pour pas servir bien. Parce que c'est dans le cœur tout mauvais idée sortit. Il détruit le monde, il défait le monde mal. Fait adulte à toute l'autre bagaille qui pas d'accord avec volonté. Tant qu'on l'idée vole, l'idée fait mentir sur le monde. Si vraiment on gagne bon Dieu avec vous supposez éviter pour entrer dans l'accrochage ça. Parce que bon Dieu pas bail mentir. Bon Dieu a son bon Dieu de compassion. Il remet toute petite. Il pas jamais voulu vous rabaisser, yon frère, yon soeur. Surtout nous-mêmes, haïtiens, nous toujours gagnons tendance, garder frère n'accès nous soit apparence. Toujours gagnons tendance pour nous diminuer, nous traiter yon l'autre qui pas fait la ville, ses habitants. Nous garder l'autre sous connaissance, nous garder l'autre sous figue, et puis. Nous balions chapeau, nous jugeons. C'est seul bon Dieu qui vient droit à juger, petit lè. Nous-mêmes, leaders, cap mène un groupe, nous supposons un modèle, un exemple, pour lè tout le monde ouais, car ouais vraiment, ou bien bon Dieu avec. Parce que lè dans bon Dieu avec, ou son l'autre monde. Lè ou bien bon Dieu avec, ou mette au pibar et pour voir le ouais, c'est lui-même qui pourra le lever. Lui mette au pibou. C'est ça que fait le dino. Si vous baissez tête, la pleuvez. Mais si vous levez tête, la pouvez baisser. Alors c'est message ça. Parole céleste, t'es écouté pour nous.